chat. Battu rue, le chat, le chat. C'est ta qui cherche le chat. Dont le chat s'amouracha. Dans le palais d'un chat vivait un angora. Le minet du minaret, c'est ainsi qu'on l'appelait. Mais une nuit tout se gâcha, car le chat découcha. Au palais du haut en bas, on n'entendit plus que ça. Ah, le chat du chat. Ah, le chat du chat. C'est à qui chercha le chat. Dont le chat s'amouracha. As-tu vu le chat du chat? As-tu vu le chat du chat? As-tu vu le chat du chat?